champion. Téléman à singa téléphone. Allez le japonais. Ok. Yeah. Bam. Come on. C'est ça minto mukubwa yaya. Yeah. Guerrier de Gol Gol. Kachungula Chungula. Ebe Sente. Petit Guilain. Rise Sessa. One alone. Michuri. Ziana. Le champion de Milo, Nakati Alunda. Venanga. Atiga, Atiga, Atiga. Na fuego, na motema.